matière guerre, la police nationale du département ne parvient pas à recruter malgré les postes ouverts et voyait même des départs non compensés. Il a donc fallu une rencontre avec le directeur général de la police nationale initiée il y a quelques semaines par le préfet de l'Eure pour que ce dernier réussisse à décrocher 8 gardiens de la paix à la sortie de l'école. Ces gardiens de la paix seront affectés au commissariat de Val-de-Reuil début décembre. Pour David Leprovost, secrétaire départemental du syndicat Alliance, cette annonce est une première victoire. 8 fonctionnaires, c'est du jamais vu, insiste-t-il. C'est la preuve qu'il y a une véritable prise de conscience du problème. S'il se déclare satisfait, David Leprovost ne crie pas victoire trop vite. Il manque encore une 20aine de fonctionnaires dans l'Eure et des offices de police judiciaire pour les 3 commissariats eurois. On espère que d'autres postes seront prévus lors de la prochaine diffusion de postes pour la 248e promotion début novembre. Fin de citation. Psychiatrie. La CGT veut mobiliser au nouvel hôpital de Navarre à Évreux parce qu'elle souhaite que ses préoccupations soient prises en compte, notamment dans la rédaction définitive du nouveau projet d'établissement. La CGT appelle donc à la mobilisation. Les représentants syndicaux attendent notamment beaucoup de la conférence programmée jeudi 8 novembre. Il doit y être question du futur projet d'établissement en présence des salariés, des représentants des usagers et des élus. Pour la CGT, il s'agit de construire des propositions alternatives au choix de la direction. Récemment arrivé de Haute-Marne, le directeur suscite déjà le scepticisme de la CGT. Il parle d'un futur virage ambulatoire, mais envisage la disparition de structures extra-hospitalières de proximité implantées dans tout le département. Fin de citation. Du provisoire appelé à durer. La question se pose, elle est dans un coin de tête des riverains de la rue David. Les travaux n'en finissent plus dans cette artère au pied de la colline de Saint-Michel à Évreux. Une rue résidentielle qui n'a pas été épargnée depuis un an. L'épisode de la coulée de boue mi-novembre est encore dans toutes les mémoires. L'immeuble au 33 est d'ailleurs toujours inhabité. Une autre propriétaire de la rue ne peut toujours pas regagner son domicile. Pour l'heure, c'est la réfection de la chaussée qui occupe le devant de la scène. Les travaux d'enfouissement des réseaux sont achevés de longue date. Reste une espèce de piste poussiéreuse. Les riverains font donc contre mauvaise fortune bon cœur. Ils s'interrogent aussi sur les causes de l'interruption des travaux. Certains n'hésitent pas à évoquer la situation financière des collectivités comme la ville pour tenter d'expliquer le retard de ce chantier. Une chose est sûre, seule la responsabilité de l'agglomération Évreux-Porte-Normandie peut être engagée dans ce dossier. Toujours est-il que récemment, les riverains ont été avisés du début des travaux de rénovation de la chaussée. Ceux-ci doivent débuter lundi pour s'achever 2 semaines après. La vague de froid sur la région a calmé les ardeurs des frelons asiatiques très présents sur Évreux ces derniers jours. En effet, selon un spécialiste, quand les températures descendent en dessous de 13, la plupart des colonies meurent. Seules les jeunes reines fécondées partent alors à la recherche d'un abri pour hiberner tranquillement. Elles en sortent pour refonder un nid dès la température revenue au-dessus des fatidiques 13 degrés. Une de leurs cachettes favorites se situe dans les interstices du bois mort. Un conseil donc, il est préférable d'utiliser des gants et une sage précaution avant de rentrer des bûches pour la cheminée. Les sociétés spécialisées étaient à pied d'œuvre dans Évreux, comme dans la rue David, où des frelons asiatiques avaient construit un nid de grande taille à 13 mètres de haut près de la cime d'un bouleau. L'arbre était à flanc de colline, il était donc impossible d'utiliser une nacelle. C'est donc à l'aide d'une échelle et d'une perche télescopique de 11 mètres que le nid a été exterminé, avec plus de 500 frelons asiatiques qui résidaient dedans. Si vous êtes en bonne santé, que vous êtes âgé de 18 à 37 ans pour les femmes et de 18 à 45 ans pour les hommes, pourquoi ne pas faire un don d'ovocytes ou de spermatozoïdes ? En Normandie, selon les derniers chiffres de 2016, 66 personnes ont fait un don, 44 femmes et 22 hommes. 61 enfants sont ainsi nés d'un don d'ovocytes et de spermatozoïdes. Mais il faut encore intensifier les efforts. En France, 3000 couples souffrent d'infertilité. En Normandie, au 31 décembre 2016, 164 couples étaient en attente d'un don d'ovocytes. Selon les sondages réalisés par l'Agence de la biomédecine, les Français sont de plus en plus sensibilisés aux dons de gamètes. En un an, le nombre de donneurs a d'ailleurs nettement augmenté, plus 38% pour les femmes et plus 42% pour les hommes. Chacun connaît dans son entourage des couples qui rencontrent des difficultés pour avoir des enfants, ce qui encourage les donneurs à franchir le pas au nom de la solidarité. Et à partir du 3 novembre, une campagne de l'Agence de la biomédecine va être lancée. Objectif, informer sur les dons de gamètes et recruter de nouveaux donneurs. Giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out, a world without the peace, face a bit of the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head, won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear, I'm gonna make it. I'm gonna was it all in my fantasy? Where are you now?

Chris. Thank you.

t'impasse se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à terre et dopé de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.

someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. C'est déjà l'heure. Avec Dimitri. Somewhere in Zed et Ilidou sur Cristal, c'était Happy Now. Cristal. Dimitri prend l'antenne jusqu'à 9h30. Et bien que tout le monde connaisse Noël, Pâques, Halloween ou encore le Nouvel An, il existe des centaines de jours fériés moins connus célébrés aux quatre coins du monde. Des jours fériés complètement insolites. Hein. Nous en France, on est assez soft. En Islande, par exemple, il y a le jour de la bière. C'est en mars. Personne ne travaille pour aller fêter l'événement. On a aussi le jour férié de la marmotte en Pennsylvanie, aux États-Unis. Si la marmotte refuse de sortir de son terrier ce jour-là, bah, ça annonce un hiver très froid et plein de gens sont réunis, en plus autour du terrier. Hein. C'est complètement fou. Il y a jusqu'à 15 000 personnes chaque année pour soutenir la marmotte. Et puis, autre jour férié insolite, le lancer de haricots. C'est au Japon, début février, et cette tradition consiste à jeter des haricots autour des maisons et des temples pour éloigner les mauvais esprits. Voilà, je vous l'ai dit, en France, on reste classique. Mais qui sait, ça peut changer. On verra. 5h45 sur Cristal, dans un instant, les hits en Normandie, bien sûr, et puis l'horoscope d'Alexandra, juste avant 6h. Le rappel des titres sur Cristal, Christopher Navette, bonjour à tous. Les syndicats de police de l'Eure n'avaient pas hésité à mettre sur la place publique les difficultés que les commissariats du département rencontrent depuis plusieurs mois. Selon les représentants des policiers, 30 effectifs manquaient à l'appel, situation qui générait notamment une grande fatigue et du stress. Psychiatrie, la CGT veut mobiliser au nouvel hôpital de Navarre à Évreux parce qu'elle souhaite que ses préoccupations soient prises en compte, notamment dans la rédaction définitive du nouveau projet d'établissement. La CGT appelle donc à la mobilisation. Du provisoire appelé à durer, la question se pose. Elle est dans un coin de tête des riverains de la rue David. Les travaux n'en finissent plus dans cette artère au pied de la colline de Saint-Michel à Évreux, une rue résidentielle qui n'a pas été épargnée depuis un an. L'épisode de la coulée de boue, notamment mi-novembre, est encore dans toutes les mémoires. La vague de froid sur la région a calmé les ardeurs des frelons asiatiques, très présents sur Évreux ces derniers jours. En effet, quand les températures descendent en dessous de 13, la plupart des colonies meurent. Et puis, si vous êtes en bonne santé, que vous êtes âgé de 18 à 37 ans pour les femmes et 18 à 45 ans pour les hommes, pourquoi ne pas faire un don d'ovocytes ou de spermatozoïdes ? En Normandie, selon les derniers chiffres de 2016, 66 personnes ont fait un don, 44 femmes et 22 hommes. 61 enfants sont ainsi nés d'un don d'ovocytes et de spermatozoïdes. Voilà, tous ces titres seront développés dans notre prochaine édition. Renault Occasion. Chérie, montre à Martin nos photos de vacances. Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud. Ça a l'air beau, ce village. Enfin, derrière votre Clio. Et là, c'était la soirée tapas, derrière notre Clio d'occasion. Ah oui, on peut pas la rater, là. Vous allez être fier de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr. Cristal, la première hit radio en Normandie. Toutes C'est déjà l'heure. Avec Dimitri sur Cristal. On se lève, regarde ce qu'ils nous ont fait. Ils veulent tirer sur nos rêves, elles le font pour de vrai. Le mal ne connaît pas la grève, le mal est dans les traits. Les petits préparent la relève pendant qu'on cherche la paix. Ce monde n'a plus d'âme. je crève. J'ai plus 30. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement sale, ça m'obsède. Je cherche la paix. Pour qu'on fait semblant, nos cœurs saignent. On est tous des mêmes. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Défendez-moi un peu de rêve. J'ai plus 30. Je cherche la paix. Je cherche la paix. Les choix c'est marche ou crève. On veut juste exister. Ils ont peur qu'on s'élève. Comme ça vous négligez. Et toutes nos séquelles que rien ne peut réparer. Dis-moi du pantin c'est lequel. Qui dit la vérité. Ce monde n'a plus d'âme. Mes ailes m'envoler. Je suis tellement sale, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs saignent. On est tous des mêmes. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Défendez-moi un peu de rêve. J'ai plus grand. Je cherche la paix. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent nous faire taire. Je cherche la paix. Tout miser pour toucher nos rêves. Je cherche la paix. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement sale, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs saignent. On est tous des mêmes. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Défendez-moi un peu de rêve. J'ai plus grand. Je cherche la paix. Je cherche la paix. Le bonheur. Quitte l'enfer. Ici j'ai peur. Je cherche la paix. Bientôt 6h, vous écoutez Crystal, on se réveille ensemble comme tous les matins les amis. Et je sais que vous êtes déjà nombreux à bosser tôt hein, ce matin. Vous nous écoutez en voiture aussi ou tout simplement en sortant du lit. Eh bien bienvenue, installez-vous, on est vraiment à la cool hein, nous aujourd'hui. Peut-être que vous faites le pont aussi, hein, profitez bien de cette journée et du week-end qui arrive. Avant de retrouver l'actu et la météo, c'est l'horoscope avec Alexandra qui est bien réveillée ce matin. Salut Alex. Bonjour à tous, bon vendredi 2 novembre. Les béliers, vous nagerez en pleine confusion et vous serez à côté de vos pompes. Les taureaux, les célibataires, les astres vous encouragent à aller de l'avant pour trouver l'âme sœur. Gémeaux, si vous avez connu des disputes avec votre partenaire, ce sera la journée pour en parler et pour pardonner. Au travail, aujourd'hui, les cancers, vous serez brillants avec des qualités d'orateur hors pair. Après quelques déceptions, les lions, vous semblerez vous résigner en vous refermant dans votre coquille. Vierge, c'est vendredi, vous avez mérité de passer du bon temps avec vos amis et proches. Accordez-vous un break. Balance, le romantisme aux oubliettes, vous aurez autre chose de plus important à penser que vos amours. Scorpion, votre côté panier percé pourra refaire surface. Vous allez avoir envie de construire des châteaux en Espagne. Sagittaire, vos amours ne se portent pas si mal, mais les obstacles que vous rencontrez altèrent votre humeur. Stratège, les Capricornes, tout en étant déterminés, vous ne vous laisserez pas démonter par des rivalités. Verseau, vous vous interrogerez sur la sincérité de vos amis, vous verrez des complots partout. Poisson, les influences astrales vous permettront de reprendre confiance en vous et d'aller de l'avant. Excellente journée à tous. Le DJ Avicii et votre info normande dans les prochaines minutes sur Crystal. Très bon réveil. Addicted to you.